Et salut à tous et bienvenue dans la Disney's Music Box. Salut Max, comment vas-tu ? Bonsoir, ça va très bien, je suis plutôt en forme. Et nous accueillons aujourd'hui l'équipe de Flan, Jutima et Nagla Glaçon. Bonsoir. Bonsoir. Hello. Mais aussi Eparcurien. Bonsoir. L'ancien de Flan. Enchantier. Eparcurien, tu t'appelles comment ? Hein ? Enchantier, je m'appelle Teuz. Oh putain, mais c'est pas possible, l'humour, c'est quoi ici ? Alors, votre podcast à la con, il faut faire des blagues tout le temps. Par contre, chez nous, c'est de la merde. On le refait ? Alors, vraiment, on n'a jamais fait la blague de... s'appelle comment ? Vraiment, tu veux la refaire ? Oui, vas-y. Tu t'appelles comment ? Curien. Mais le Label et la Bête, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, la Disney Music Box fait partie du Label et la Bête avec Rien que d'y penser, Flan, Secret Disney et Musicland. Sachez que vous pouvez nous soutenir sur Patreon et on vous remercie d'ailleurs les patrons. Merci. Merci. Merci. Merci Marie. Merci. Merci Valaret. Merci Greg. Merci Canard, je ne reconnais pas du tout. Il va prendre le pied dans la tronche. Hein. Merci Pierre. Merci Damien. Ah si bonjour. Merci. Merci Jérôme. Merci. Merci Mirana. Merci Samuel. Merci. Merci Alice et Bibou. Merci. Merci Antinéa. Et enfin, parce qu'on en a besoin. Merci, Nicolas. Merci. On dirait un chat qui est en train de mourir. Oui. Oui, je suis inquiet là actuellement. Je peux faire le chat aussi qui est vraiment très calme. C'est parti. Et nous allons commencer ce podcast effectivement sur Frozen 2, La Reine des Neiges 2, avec son contexte. La Reine des Neiges 2 est le 58e classique d'animation Disney sorti en 2019 et il fait suite, roulement de tambour, à quel film ? Au film La Reine des Neiges, premier du nom, sorti en 2013. Alors, il fait suite à Ralph 2, mais... Il fait pas suite aux vacances de Olaf ? Alors accessoirement oui, mais il fait surtout suite à La Reine des Neiges, hein. Oui, t'as des relous là, attention. Effectivement. C'est la merde. J'avais pas remarqué. Bah pardon, tu fais venir des professionnels. Son développement est annoncé par Bob Iger en compagnie de John Lasseter et de l'acteur Josh Gad qui joue Olaf, enfin qui fait la voix de Olaf, le 12 mars 2015 lors de l'assemblée annuelle des actionnaires de Disney. Et en fait, c'était le 12 mars 2015, la veille de la sortie du court-métrage La Reine des Neiges, une fête givrée. Donc tout se rejoint. Les co-réalisateurs du premier film continuent leur travail sur le second, à savoir qu'il y avait Jennifer Lee, qui était la scénariste des Mondes de Ralph, de Zootopie, d'Un raccourci dans le temps, et bientôt de Wish, et Chris Buck, donc, qui avait bossé sur Les Rois de la Glisse, et bientôt qui bossera sur Wish, et qui auparavant, il y a beaucoup d'années, était animateur pour Rox et Rookie ou Oliver et compagnie. Vous saviez comment on surnommait Jennifer Lee à l'armée ? Oula. Oula. Jennifer Lee au carré. Oh, c'est nul. Bravo. Oh, c'est nul. Et vous savez qu'est-ce qu'elle prend toujours comme digestif après son repas? Un jet-li. Allez, une dernière sur les lits. Et maintenant, on va peut-être faire une blague sur Chris Buck, parce qu'au moins, il y en a que pour Jennifer Lee. Aussi qu'elle a bossé chez Pixar, elle a fait le requin dans Nemo. Bruce Lee. Voilà. Et bah, vraiment, ils ont failli s'engueuler, mais ils n'avaient pas envie d'avoir une prise de Buck. Oh, pas mal. Bravo. Elle est acceptée. Elle est donc, surtout de base, il y avait en urgence. Aucune suite de... Je sais mal. De base, il y avait quoi ? Il n'y avait aucune suite de prévu. Mais il y avait le pognon. Et ça, c'est bien le pognon. Le pognon, chez Disney, on aime bien. Et donc, ils vont explorer d'où Elsa peut bien avoir ses pouvoirs. Ils vont faire passer des tests psychologiques de personnalité aux personnages, véritablement. Alors, aux réalisateurs, véritablement, non. Pour comprendre où ils ont été chercher toutes ces idées stupides. C'est un peu ça. En fait, les animateurs vont faire comme si les personnages passaient des tests de personnalité avec des véritables psychologues qui ont vu donc que Anna avait un test, était un personnage véritablement de conte de fées. Hein, avec son côté un petit peu enfantin, qui croit un petit peu trop positif. Et Elsa, elle, ce serait plus un personnage mythique qui porte tout le poids du monde sur ses épaules. Et le second volet est considéré donc comme plus sombre que le premier. Un peu, on en reparlera, pas de souci. J'attends avec hâte le résumé de l'histoire. Suite à des problèmes d'appropriation culturelle, oh, c'est étrange de la part de Disney, Disney a dû signer un accord avec le peuple Sami, et non pas Lapon, le terme Lapon étant péjoratif. Il y a une blague de curien. Je crains le pire. Non, je l'ai pas. Moi non plus. Je suis pas avec Pauline, je l'ai pas. Donc, suite à ces problèmes d'appropriation culturelle, ils vont essayer de représenter correctement la culture Sami. Et ça, c'est bien. Donc, les parlements Sami de Norvège, Suède et Finlande vont collaborer avec Disney et ils vont notamment envoyer trois émissaires norvégiens, deux émissaires finlandais et une émissaire suédoise dans les équipes de Disney. Et là, c'est le début d'une mauvaise blague de Nagla. Tu fais le genre de blague, Nagla ? J'ai pas retiré ma blague, mais vas-y. Ils ont pas non plus envoyé un book ? Un book émissaire. Mais non. Il m'a jeté sous le bus, quoi. Je suis là en train. Quoi, je dois improviser une blague, là ? J'ai dû en faire une tout à l'heure sur Chris Buck. On a un rythme. Mais d'accord, mais là, j'ai même pas retenu les nationalités parce que je l'écoute pas. Comment je fais ? On a un rythme précis dans la music box. Je suis désolé, faut qu'on avance. Hein. Là, on a fait 10 minutes, on est déjà à moitié du contexte. Hein. Dans un quart d'heure, c'est fini chez nous. Hein. On n'est pas Charles qui pensait où chez Flan ici. Hein. Ah ouais. Non, mais la blague, elle est valide. Hein, c'est moi qui l'ai fait, les contextes. Je peux dire que ça. J'assume. Là, tout à l'heure, le prochain enregistrement, préparez-vous à un contexte qui dure. Oh putain. Dure 40 minutes. Oh putain, on n'est pas couché. J'ai essayé de faire court en plus, parce que je me suis dit, ok, la dernière fois que j'ai fait un contexte avec Frozen, c'était hyper long. Sachez que grâce à cet accord, il existe une version doublée en Sam du Nord. Ouais, bon, voilà. C'est Sam du Nord. Dans un autre monde. Dans un autre monde. Elle tchote, elle doit aller dans l'autre monde. Et quand elle va en dessous le droit, je te kirk. Ouais, elle meurt. Sachez qu'en écrivant le concept, je me suis douté qu'après ce mot, il allait y avoir justement ce genre de réaction. Parce qu'elle doit aller cœur en réponse. C'est pas mal comme une chanson. Elle entend le coaching là. Quoi, elle chante. Oh. Avec l'accent. En 2018, Jennifer Lee remplace temporairement John Lasseter en tant que directrice artistique en compagnie de Pete Docter, qui l'est resté, lui il est resté encore directeur artistique actuellement, parce que John Lasseter, c'est un petit peu problématique à ce moment-là, hein. Il l'est toujours d'ailleurs. Hein. Oui, ça n'a pas changé. D'ailleurs, il est plus trop là, hein, finalement. Bah, ouais. Voilà, ouais. Lasseter, il est plus là. Vu que Jennifer... Et du coup, vu que Jennifer Lee était partie, ils ont demandé à Alison Schroeder de continuer à coécrire le film. Voilà, ils ont pris une co-scénariste. Rien à voir avec le méchant de Tortue Ninja. Non, mais je te demande. Sachez que du coup, hein, Alison Schroeder, elle avait été scénariste pour Lolita Malgré Moi 2, les Figures de l'Ombre et pour Jean-Christophe et Winnie. Très bien. Ah ouais. Voilà. Et qu'elle avait bossé sur Smallville. C'est la petite information supplémentaire. Il y avait une suite à Lolita. Bah ouais. Maintenant, Lolita malgré moi 2. Lolita malgré moi, c'est pas Lolita, c'est Lolita c'est malgré moi. C'est pas oui. Non, arrête. Tu me fais mon malaise. Puis les Figures de l'Ombre, je crois que c'est assez cool. C'est pas avec. Ouais, mais j'ai toujours pas vu. Avec trois destins de femmes différents qui ont fait un peu révolutionner. Dans la NASA, je crois, ouais. Frozen 2 sort donc le 22 novembre 2019. La musique, elle, est sortie une semaine avant, le 15 novembre. Et sort sur Disney+, le 15 mars 2020. Mais pas en France, hein, bien sûr, hein, on sait pourquoi. à cause de ce fameux... comment on appelle ça déjà ? Chronologie média. Merci. Oh là là. Il est sorti le 15 ensemble. Mars, ça a été précipité pour le Covid, je crois. C'est ça, exactement. Quoi, ils avaient et peur que c'est malade. Le second... Pardon, je coupe beaucoup les gens, moi. Non, mais j'ai, après, c'est juste que t'as pas l'habitude qu'il y ait autant de blagues en face. C'est ça. Mais au-delà de la blague, on peut peut-être préciser pourquoi précipiter le Covid, quel est le lien entre les deux, parce que c'est pas forcément évident. Parce que les gens étaient coincés chez eux, du coup, il y avait un petit peu cette volonté de « Oui, mais regardez, on vous fait un cadeau, puis au fait, abonnez-vous à Disney+, s'il vous plaît. Bah, » d'autant exactement. Qu'ils venaient de lancer la plateforme. C'est vraiment, c'est vraiment pour les gens qui vont écouter le podcast sur... d'environ non, pas, 10 non, ans. Non, non, ça avait 4-5 mois, quand même. Ouais, bah, 4-5 mois, c'est pas non plus... Oui, mais c'est le bon moment pour faire un petit peu. Excusez-moi, rien que d'y penser, là, ça va l'ambiance ouais. Enfin, chez ouais. nous, c'est toujours good quoi vibes, là, vous engueulez. On peut s'arrêter un petit peu ou pas ? On s'engueule pas ? On n'est pas d'accord. Il va commencer à nous emmerder, alors, lui, bon, hein, avec sa Max, est-ce qu'on parle du dernier live ou pas ? Ouais, je suis arrivé tout seul. C'est le second meilleur démarrage de tous les temps pour un film d'animation en France. Et à votre avis, c'est derrière quoi, pour ceux qui n'ont pas le conducteur sous les yeux ? Ratatouille. Faux. Ah. Le Roi Lion. Le Roi Lion, oui, mais lequel ? 2019. Le dernier. Le, oui, oui. Le film live. Mais est-il vraiment un film le d'animation ? Le 4. Sur Wikipédia, il est dans la page des meilleurs films d'animation. Et vous pourriez vu que c'est pourriez le faire un jour, ça fait tout le temps mal au cœur. Bah, tactiquement, on a fait Casper le petit fantôme. Je vois pas pourquoi on pourrait pas faire Le Roi Lion, oui. Alors que tout on est animé. On a fait les Pinocchio live action, donc il n'y a pas de raison. Ouais. Si vous étiez audacieux, vous feriez Le Roi Lion 3. Très bien, Le Roi Lion 3. Bah oui. Moi, je l'aime bien, Le Roi Lion 3. Bah oui, j'ai pas dit que c'était pas vu le Roi Lion 2. Audacieux du coup. C'est spécifique. Oui, c'est spécifique, oui, c'est vrai. Un jour, il faudra faire le Roi Lion, de toute façon, un jour. Oh là là. Quelle version. Oh là là. On a fait la musique. Vous avez le temps de planifier Yamou Fassa l'année prochaine. On va faire le Roi Léo, ça va prendre tout le monde de court. Et c'était tout pour le contexte. Il était super ce contexte. Merci. C'était beaucoup. Très bien. Franchement. Concis, clair. J'ai, dommage qu'il y avait des connards qui t'interrompaient. Particulièrement contextualisé, je sais pas vous. Incroyable. Et attention, Nagla, j'espère que je suis tu sûr es prêt. Que Alex, il s'est dit, je on te préviens. S'est dit, on va être 5 ce soir, ça va être interminable. Ouais, j'aime bien couper comme ça, plus pour rien dire. Il s'est dit, je vais faire un contexte hyper court, comme ça on trace. Mais en vrai, j'avais pas beaucoup de contexte au final, vu qu'on a beaucoup parlé sur Frozen 1. C'est parti pour la transition histoire. Chaque jour un nouveau défi, mélange de gloire et pouvoir. Une partie de moi s'en va sans le vouloir. Dans un autre monde. Dans un autre monde. Dans un autre monde. Oh, si tu es là, envole-moi, rassure-moi, emmène-moi. C'est à toi, Nagla, le micro, et tiens. Alors mais tu viens de me dire, j'espère que tu es prêt. En fait, j'espère que vous êtes prêts, parce que je me suis dit, un résumé. On m'a demandé de faire le résumé, on m'a dit, c'est une tradition, il paraît, l'invité, il doit faire un résumé. Alors, il se trouve que c'est moi qui me suis dit, je vais y aller, parce que les deux autres, manifestement, ne se sont pas jetés sur la proposition. J'ai dit, très bien, j'y vais. On m'a dit... boulot aujourd'hui, désolé. C'est la Disney's Music... Bon, tu crois que je l'ai fait où? Bon, chez moi, parce que j'étais en télétravail, mais c'est une autre histoire. Bon, bah voilà. On m'a dit... C'est chez moi, mais je suis... la Disney's Music Box, bah très bien. Comment je pourrais faire un résumé dans la Disney's Music Box? Eh ben, je vais le chanter. Oh, putain. Dans le monde d'Arendelle, il y a une reine qui fait parler d'elle. Elle entend peut-être des voix et à force elle casse les noix. Anna et Elsa vont chercher Nortuldra avec leur valet. Et il trouve des élémentaires très originaux au feu, air, terre. Oh oui! Elsa, elle va se suicider devant sa mère. Olaf est crevé. Anna, elle va déprimer et elle va péter le barrage. Y a un bail sombre plus profond, une guerre séculaire et une trahison. J'aimerais tout vous détailler, mais la chanson est terminée. Tu fais pas autant d'efforts, hein, d'enflant. Franchement, que... bravo. Est-ce que l'organe... Est-ce que tu pourrais nous donner la marque de ton truc de basse que tu mets en dessous de ton siège de... pour vibrer hein autant? T'inquiète. Il y a des caissons de basse qui se mettent sur les sièges. Oui. Par contre, ça donnait cette impression. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est les moments de silence que t'as vraiment respecté tout le rythme de la musique. Oui. Comme si, comme si t'avais vraiment. En live, c'était parfait. Si t'avais vraiment un playback dans les oreilles pour être sûr de chanter en place. Alors que même pas. Franchement, très agréable. J'ai beaucoup aimé. Je sais pas comment le prendre. Non, mais vraiment, qui passe devant toi, c'est incroyable. S'attendait à pire. Bien, dans le doute, bien. Prends-le bien. Ok, cool. Mais blague à part, c'est là qu'on se rend compte que l'histoire, elle est hyper simple en fait. C'est vraiment l'histoire de. Hyper simple. Pixar, hein. De quelqu'un qui va se chercher elle-même, qui rencontre sa mère, voilà, machin, etc. Et puis derrière, t'as un espèce de bail de guerre un peu nul. Bon, voilà. Voilà. Ah ouais. C'est... Non, bah je sais pas, tu veux que je commente l'histoire? Moi je lance un débat, c'est parti, hein, je fous la merde. C'est quelqu'un qui cherche sa mère et donc derrière il y a une guerre un peu nulle. Est-ce que... En plus, on sait même pas que c'est sa maman. C'est une cherche qu'elle mère, que c'est sa c'est mère pas qu'elle un cherche. Un peu elle comme se cherche Star Wars. Elle-même. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est comme Star Wars, mère. Mais version mère. C'est Star Wars, mais dans neige quoi. C'est un mec qui cherche. C'est même pas quand elle trouve sa mère, puisque quand elle trouve sa mère, elle cherche, elle continue de chercher. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il raconte? C'est comme Star Wars. C'est un mec qui cherche Luke et puis il y a une guerre. Plutôt? Alors, l'épisode 4, je suis entièrement d'accord avec toi pour le coup. Dans Le Seigneur des Anneaux aussi, hein. Il y a un mec qui cherche et puis il y a une guerre. Ouais. Même en tant qu'autant de manière très légère, Le Seigneur des Anneaux. Dans la Seconde Guerre mondiale aussi, hein. Il y a un mec qui fait une guerre. Il se cherchait un peu lui-même. Il avait un peu son combat finalement. Et. Non mais tout est simple finalement. C'est vrai que quand on résume, faut arrêter de se prendre la tête, moi je dis hein. Je propose qu'on termine le podcast maintenant. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Restez pour la musique de fin. À bientôt. Et nous allons passer, messieurs dames, à la musique, parce que c'est tout ça. Aucune reprise, c'est discutable quand même. Attends, deux secondes, il faut voir ça d'une autre manière. Tu vas te faire engueuler, fais gaffe. Hein. Bah après, quand on réagit pas, tu dis oh, on réagit pas quand je parle, on s'en fout, on m'écoute pas. Je suis pas, pas habitué. Alex m'écoute silencieusement, religieusement. Pardon, excuse-moi. Alors. On n'a pas le droit de dire ta gueule aux ça, invités. Ça s'appelle une balle perdue. Non. Et donc, en fait, il y a. En fait, dans les chansons, il y a différentes mélodies. Et en fait, ces mélodies sont un petit peu les thèmes des personnages. Enfin, il y a surtout, en fait, deux mélodies qui sont les thèmes des personnages. C'est la première mélodie, c'est la berceuse d'Atoalan. En fait, la berceuse chantée par la maman d'Anna et d'Elsa. Et en fait, c'est le thème de la maman. Dès qu'on évoque la maman dans les chansons d'après, et ben en fait on retrouve cette petite berceuse, moins cette mélodie. Je me faisais une remarque, on est, avec toute cette histoire de mélodie, est-ce que ce film on pourrait pas le renommer Mélodie du Nord ? C'est sûr, je l'ai vu venir loin. En plus il est un peu problématique avec les amis. Bah non, finalement non, c'était que le premier ça, apparemment. Enfin j'ai pas compris. Je commis. Et voilà. Deuxième chanson. Point d'avenir sans nous. Something never change. C'est ça ? Oh la vache, mon accent il est un peu mieux. Chanté par Anna, Elsa, Olaf, Christophe. C'est grâce au micro. Christophe, un bout de Sven. Et tout le village. Christophe, à un moment donné, il parle pour Sven. Enfin, comme il fait dans tout le film, en fait, c'est un peu le running gag qu'on a compris. Et puis oui, tout le village aussi qui chante, qui t'as qui le cœur à la fin. De montrer. C'est un peu le renouveau en deuxième version. En version du film. Dans le renouveau, en fait, on expliquait quel était le contexte, pourquoi ils étaient tous là avec Elsa dans sa chambre, avec Anna qui pouvait se promener partout, et puis Christophe qui vendait des glaçons. Et de l'autre côté, ben, dans le deuxième, en fait... Christophe qui vendait des glaçons. Si, en fait, dans le deuxième, et ben, on explique pourquoi Anna peut s'amuser avec Olaf alors que Olaf, ils font pas. Elsa, elle est reine, et puis Christophe qui vend toujours des pour glaçons. Pour moi, si tu veux faire un parallèle avec le premier, on est plus sur Je voudrais un bonhomme de neige. Parce que c'est plus de l'exposition, de la mise en place des éléments où on te montre où chaque personnage en est. Et c'est un petit peu la scène post-ellipse. Mmh. Et je trouve que ça me correspond davantage à ça. Ah, moi, je suis d'accord avec le renouveau. Je trouve que ça collait mieux peut-être avec le renouveau. Parce que Je voudrais un bonhomme de neige, ça reste quand même très centré sur les personnages. Alors que la personne d'Atoualan est plus sur le Je voudrais un bonhomme de neige. Le côté, non, la personne d'Atoualan, c'est l'équivalent de Frozen Heart, c'est quoi le nom français ? Oui. Cœur de glace. La mélodie qui est reprise par la suite, qui va être là pour anticiper après, et pour si on veut comparer un peu musicalement, la mélodie de Je voudrais le motif de Je voudrais un bonhomme de neige, c'est le seul en fait qui est repris durant tout le film. Et celui-ci, la personne d'Atoualan aussi, c'est le seul qui est repris. Mais j'avoue que sur le point de vue esprit, imagination et tout ça, le cœur de glace, pour rappel, si vous écoutez le premier podcast ou si vous regardez le premier live, le cœur de glace, c'est tout l'univers. Bah merci, oui, le cœur de glace. Mais... ça représente en gros tout Arendelle sous la neige complet. C'est l'univers de l'hiver, même si c'est en été. Ça venait aussi de l'idée qu'à la base, le cœur de glace, c'était... en gros, ça représentait Elsa aussi et sa malédiction, entre guillemets, dans les concepts du film qui n'ont pas été pris finalement. C'est une information que nous n'avons pas dit dans le premier podcast et que nous disons dans le deuxième podcast. Mais, tout est complémentaire, monsieur. Il y a des petites références au premier film, dans le deuxième. Alors, je vais parler du texte en français. Même si en anglais, au final, c'est assez, à peu près la même chose. On a le vent qui se lève et vient du nord, qui parle du montagne du nord, le lieu symbolique du film de 2013. On a aussi tous les nuages du passé sont partis sans un bruit, et comme un mur de pierre résiste à l'hiver et les ennuis qu'a connu Arendelle 3 ans plus tôt. Donc, en fait, on fait vraiment un petit résumé aussi du premier pour dire. Bah non! Oui, mais attends. Oh, le relou. À ce moment du film, nous, on sait pas qu'il y a le barrage. Enfin, sincèrement, en fait, si vraiment tu t'arrêtes à ce moment-là, le barrage, toi, tu connais pas. Mais oui, mais c'est le principe du film. Et si tu te, sinon, quand tu écoutes les paroles de Hollis Found, t'as toute l'histoire du film qui est racontée. Hein. Bien vu. Bah oui. Tu veux prendre ma place, tu as rien dans la Xbox ou pas alors ? Non, c'est bon. Mais je te critique, c'est tout. C'est pas grave. Je te parle. C'est toujours ta mienne dans la mienne, montre que le royaume d'Arendelle ne sera plus jamais tourmenté. En fait, au final, si. Ouais, Christophe il annonce que. Dans cette chanson, Christophe il annonce qu'il va demander un mariage à Anna. Pareil, le running gag un peu lourd. Enfin, Christophe là-dedans il a pas vraiment d'intérêt par rapport au premier. C'est ce que j'allais dire, tu dis running gag, mais c'est tout son arc, oui. Hein. C'est tout son histoire. Il fait que ça tout le film. Hein. Résultat, même le film l'oublie et la dernière demi-heure, il apparaît plus. Il vient juste sauver Anna un moment, mais autrement, tout le reste, c'est... Christophe, ah bah non, il est pas là, bon bah non, on part à l'aventure. Bah il avait qu'à être là, hein, tant pis, adios. Ensuite, la partie d'Elsa, qui est beaucoup plus longue, c'est pour ça aussi que je la compare au Renouveau. Dans le Renouveau, il y a vraiment toute une partie rapide. Elsa qui chante avec... C'est la partie mystérieuse d'Elsa, puis après le Renouveau revient à fond. Bah là, en fait, on a la même chose. La chanson avec tout le monde qui chante, et puis quand Elsa la chante, c'est beaucoup plus mystérieux. Elle montre encore qu'elle est pas trop sûre d'elle-même et puis qu'elle veut se découvrir et que ses pouvoirs et tout le bordel. Et tout le bordel. Tout le bordel. Une expression. Voilà, ça se résume à ça le live, hein, et tout le bordel. Et c'est ce motif-là, et la chanson, la mélodie, on la retrouve tout à la fin du film lorsque Arendelle est heureux. Et vu qu'en fait la chanson décrit Arendelle et toute la vie qui se passe à Arendelle, et ben on va utiliser les mêmes motifs pour Arendelle à la fin. C'est un peu le motif d'Arendelle. Alors qu'à la fin de La Reine des Neiges 1, tu as le retour de Je voudrais un bonhomme de neige, qui remontre le retour en fait de la sororité. Bien dit. Utilise des mots. Enfin, petite anecdote. En fait, ce mot plus de deux syllabes, je suis étonné. Sororité, en fait, ce mot, je l'ai appris en réécoutant le podcast du premier Frozen. Je l'ai réappris. En fait, quand on l'avait dit la première fois, il n'avait pas compris ce que c'était. Ça fait deux ans que je cherche la définition. Petite anecdote assez marrante, c'est la deuxième fois que Olaf brise le quatrième mur quand il dit, alors je sais plus ce que c'est en français d'ailleurs, je sais plus ce que c'est en français, quand il dit et vous paraissez un petit peu plus vieux, un truc dans le genre, il regarde directement dans la caméra, enfin dans la caméra, vers le public, parce que bah oui, l'audience est devenue un petit peu plus vieille que le premier. Ah ouais. Oui, bon, ça va. Ouais, 6 ans de plus. Tu vas en parler. Passif agressif. Après, peut-être que c'est juste un personnage qui a mûri tout court, en fait. Hein. Il est peut-être pas passif agressif. Il parle juste aux gens normalement, en fait. Oui, il est plus. Il est... Oui. Ah, Olaf, c'est un peu un ado dans le film. Hein. Et avant, oui. C'était un enfant. Maintenant, c'est un ado. Putain, dans le troisième, ce sera un adulte. S'il y a un troisième. ensuite, on a Into the Unknown dans un autre monde qui a été vendu par Disney comme la chanson qui succède à Let It Go. C'est qui sont cons. Mais qui sont cons. Alors que c'est un peu la I Wish vaguement. Oui. C'est ce qui ressemble le plus. Et puis c'est celle aussi qui montre le. C'est l'élément perturbateur du film, comme Let It Go. Enfin, Let It Go, c'est un petit peu plus tôt, mais c'est à ce moment-là en fait du film, dans le premier film, c'est le moment où Elsa fuit et puis tout devient enneigé. C'est le moment perturbateur. Ici, le moment perturbateur, c'est Elsa qui entend sa mère et puis qui chante. Plus tard, tu veux dire. Plus tard dans le film. Dans le 2. Ouais, parce que. Dans le 1, il est tard. Hein. Ouais, dans le 1, c'est la fin de l'acte 1, alors que là, t'es au début de l'acte 2, presque. Au début, ouais. Presque le premier film. Mais non, sinon, c'est quand même plutôt comparable. Elsa chante toute seule, c'est la chanson qui est vendue par Disney. Elle exprime tous ses sentiments, elle change de vie, elle décide de se découvrir elle-même. Bah. Comme dans le premier. Alors dans les faits, oui. Après, si tu dézoomes un peu et que tu prends d'un côté un peu plus narratif, je pense que Show Yourself est plus proche d'un vrai Let It Go, dans le sens où c'est plus une révélation d'elle-même, en fait. C'est le moment où elle se trouve, tu vois, qui était déjà un petit peu le cas dans Let It Go. Là, c'est le moment où elle se trouve d'autant plus en comprenant, en fait. Mais Show Yourself est... Après, c'est là qu'aussi il y a des différences au niveau des histoires entre les deux films. C'est que là, au final, dans Let It Go, elle se découvre et elle se libère. Donc dans le deuxième, c'est Show Yourself. Mais elle n'a pas le même rôle dans les deux films non plus. C'est plutôt Elsa qui sauve Arendelle dans le premier. Anna, pardon. Dans le deuxième, c'est Elsa. Bah oui et non. C'est ensemble, en fait. C'est les deux, hein, dans les deux. Hein. Après, pour moi, Into the Unknown, c'est vraiment Elsa qui dit ce qu'elle veut, qui... Pour une fois, elle veut un truc, ok, je vais aller là. Plutôt que de fuir un truc, elle veut aller quelque part. Elle a mûri. C'est une chanson pop, hein, tout ce qu'il y a de plus banal. Pareil, les quatre accords qui tournent en boucle, les fameux quatre accords qui tournent en boucle. Ce qui va amener Elsa à chanter cette chanson, c'est d'entendre tout le temps cette petite voix qui est entêtante pour elle, qui est entêtante pour tout le monde, qui lui permet de faire le fil conducteur. Donc le fameux... Attention, je vais le faire. Oh, Ah, j'ai perdu 3 dixièmes d'audition. Appelez-moi. J'aurais pas dû mettre le son. Appelez-moi Aurora. Tu peux pas me mettre un peu plus loin du micro? Non, il s'est vraiment rapproché exprès. Hein. On va t'appeler Morora, bâtard. Non, mais il y a mes chats qui m'ont regardé, l'air de dire, mais même nous, on fait pas des bruits comme ça. Hein. Je vais dire d'arrêter à ton pote. Cette voix entêtante ressemble beaucoup. La mélodie ressemble beaucoup au Diasiré. Donc, le Diasiré, c'est une mélodie grégorienne qui évoque le jugement dernier. Dans Génocide, qu'on entend beaucoup dans la musique de film qui fait ta li la le li do le, donc les ah. Est-ce que c'est voulu ou pas? Je mets le bras devant. Ça ressemblait ce qu'il a chanté, je suis désolé. Hein. Mais je suis... Soyons factuels. C'est clippé. C'est vraiment c'est ce vrai. Qu'il a fait. Et on est influencé par on a aucune preuve de les compositeurs n'ont pas dit si oui ou non cette mélodie est inspirée d'Assyrie. En général les compositeurs ils l'assument. Bah, c'est pas juste un pur hasard, c'est peut-être un pur hasard dans la conscience collective. Il s'est dit tiens, après, je vais faire une chanson après, voilà, donc, à la fin elle crève, hein, quand même, les compositeurs, donc, ils l'ont pas dit, elle va vers la mort, hein. Oui, dans tous les cas, elle va vers la mort. Il y a aussi le fait que ce soit sa mère qui soit morte, qui va l'appeler. Ouais, alors ça n'a pas été assumé, mais on peut y retrouver ce petit truc. Est-ce que c'est lié au fait qu'au bout de la sixième fois qu'on entend cette mélodie, on a envie de se pendre, ou pas du tout? Au bout de la sixième fois, t'es déjà en fin de film. Voilà, mais vraiment, au bout d'un moment, c'est peut-être pour plus. Ça que... La fin du film, t'es pas en train de te dire. C'est vrai que c'est pas la c'est pas le moment le plus joli du film. Je crois que tu l'entends déjà 3 fois avant la chanson et tu l'entends environ 12 fois durant la chanson. Il y a une mélodie dans une chanson, merci. Non, mais c'est même pas ça la mélodie. Putain. Ouais, c'est anglais. Je sais recevoir les gens. Je ferme la music box. Petite trivia, c'est ce morceau-là qui a été chanté. Lors des Oscars 2020 avec Idina Menzel, donc la voix américaine anglaise d'Elsa, Aurora, qui est une chanteuse pop que je vous conseille fortement d'écouter. C'est elle qui a fait C'est exactement elle. Et 9 Elsa à l'international, voilà, qui ont chanté ça toutes ensemble lors des 92e Oscars. Il n'y avait pas la France, effectivement. Charlotte Hervieux qui avait remplacé la première Reine des Neiges. Et donc, ensuite, la chanson d'après, c'est When I'm Older, de quand je serai plus grand, la chanson de Olaf. Oui. Tu peux répéter, ouais. Le nom en anglais, s'il te plaît. Quand je serai plus grand. Comme je serai plus grand. L'accent anglais est toujours pourri en fond. Bref, c'est la chanson de Laf. C'est clairement, on reprend le même rythme qu'en été. On met des accords un peu plus mystérieux. J'ai pas été les chercher non plus, les gratter, mais c'est un peu plus mystérieux. Et puis en fait, on montre que Olaf, il a toujours des ambitions, mais un peu plus chelou. En fait, Olaf, il a des ambitions, mais de plus grandes personnes. Son rêve, c'est plus que d'être en été. C'est de découvrir la vie maintenant. Autant je déteste en été, autant celle-ci, ça va. Mais c'est pas pareil. Ouais, tu dis que c'est le même rythme, quand même pas, et un peu plus. Un peu différent quand même. On est sur une petite balade. Oh si. Et avant, t'es sur. Voilà. Bah, je pense... Si, d'accord. Alors si, d'accord. Alors, si vraiment on veut peut-être creuser un petit peu, mais je suis sûr que les compositeurs ils sont même pas pensé à ça. Dans le Frozen 1, ça monte et ça descend. Fait tom, tadam, tadam, tadam, tom, tadam, tadam, tadam. Alors que dans le 2, c'est fait tam, tadam, tadam, tadam, tadam, tadam, tadam. Ça descend et ça remonte. Ça fait l'inverse. C'est un miroir. Le BPM, c'est-à-dire le tempo de En été était de 107 pour En été et il est de 120 pour When I Am Older. Mais quand même, c'est un bon 15% de plus, Max. Mais en tout cas, voilà, il y a une grosse différence par rapport à ça. Ça descend et ça monte, alors qu'avant, ça montait et ça descendait. Et c'est un peu plus lent. Mais c'est quand même le rythme. Le toum, tadum. Ça garde. On va dire ça. T'inquiète, t'as raison. J'aurais toujours raison, c'est mon live. C'est comme ça que ça marche. Bienvenue dans la Disney Box. retour d'une chanson du premier film. Le chant du renne, ça par contre c'est rigolo, c'est que le chant du renne en fait c'est pas une simple chanson comme on peut avoir partout ailleurs qui casse le rythme, c'est vraiment un truc qu'on intègre, c'est vraiment la petite berceuse que Christophe chante pour son renne. C'est un peu rigolo et c'est cool qu'il l'ait remis de l'autre côté, ça fait une petite continuité, au moins ça apporte un tout petit peu d'intérêt à Christophe qui, donc on rappelle, n'a qu'une histoire, demander Anna en mariage. Ce qu'il a du mal à faire. Ensuite, la chanson se finit, il est un petit peu tourmenté, triste. Et puis ben là, on a la chanson, l'une des meilleures chansons quand même du film, Lost in the Wood, J'ai perdu le Nord, traduction qui n'a rien à voir. Alors, c'est tout droit. Exceptionnel. La grande surprise musicale. Pour moi, c'est vraiment une grande surprise musicale dans ce film. Autant des chansons comme Show Yourself ou Into the Unknown, je m'y attendais parce que ce genre de chanson, donc voilà, c'est ton raison. Par contre, qu'il fasse un truc totalement barré comme ça, j'ai trouvé ça plutôt drôle. J'ai beaucoup aimé. Bah après, quand tu connais les compositeurs, c'est pas super étonnant. Oui, ont quand même fait leurs armes avant sur des trucs humoristiques. C'est étonnant de le voir dans un Disney. On a donné, tu as dû donner tout à l'heure le nom, hein, donc c'est le couple Anderson-Lopez. D'ailleurs. Bah, c'est le couple Anderson-Lopez qui a fait les chansons. Donc Robert et puis. Comment ça s'appelle ça Kirsten, je crois. Kirsten. Non, ça c'est. Ah oui. Kirsten. C'est Dunsk. Là, c'est Kristen. Si vous avez besoin d'un fact-checker, n'hésitez pas à m'embaucher. Kristen Anderson Lopez. Voilà, donc, le Bob, de côté, Bob ils ont fait Avenue Q. Avenue Q, bien sûr, entre autres. Ils ont aussi. Pour le coup. Internet is for porn. Pardon. Attention, c'est seulement Robert Lopez qui a fait Avenue Q. Et Robert Lopez, il a aussi fait Book of Mormon, si je dis pas de bêtises. Il a aussi fait Book of Mormon, exactement. La calotte de tes morts. Robert Lopez dans le game, hein. Et regardez, je me demande vraiment si on n'a pas déjà fait ces blagues dans le 1. On les a faites. Ah oui. Deux ans après. Il me semble bien. Hein. Deux ans après, ça revient. C'est incroyable. Non, mais c'est bien parce que ça montre qu'on est. Qu'on est évolué. On est comme Olaf, on a grandi. Ouais. De ouf. Ensemble, ils ont fait Coco. Ils ont fait Coco. Coco, oui. Oui, les Kristen et Robert Lopez ont fait, ils ont fait le film de Gad Elmaleh. Non, l'autre. L'autre film de Gad Elmaleh. Non, l'autre. Et ils ont aussi fait les musiques hein, de Vendavision. Ah, oui. C'est une chanson, un hommage au succès des ballades pop rock des années 80. Chanson conséquente et très travaillée, avec un énorme hommage à Queen, surtout sur le point de vue visuel. L'ouverture à de Bohemian Rhapsody. À qui? Non mais je. Non mais c'est... mon accent. À la reine. Queen. Oh, ah, à Queen. Merde. Surtout donc avec Christophe qui est en bas, les différents reines qui sont autour, les chœurs de reines qui rappellent vraiment le travail dans Bohemian Rhapsody, où on entend plusieurs voix à chaque fois, vraiment un travail de spécialisation qui est plutôt conséquent. Alors c'est dommage pour la VF. Bon, Tonal Renew, on a déjà fait un commentaire dans le deuxième film, il y a deux ans, pardon. On disait que Tonal Renew chantait peut-être pas toujours très bien, même là c'était plutôt surprenant. Ouais, mais dans le premier c'était pas très grave parce que les chansons étaient. Enfin, ces chansons étaient très courtes et très légères, très et là ça pique. Ça, hein. ça s'intégrait à l'action. C'est chant du renne, donc ça s'intégrait à l'action et limite on s'en foutait qu'ils chantent mal, c'était un peu fait exprès. Là ça pique fort. Moi je trouvais que ça allait encore. Oh, je dirais pas que ça te pique fort, c'est sûr. Oh, c'est pas Jonathan Groff, mais. On dirait Nagla, enfin c'est pas très loin, enfin excusez-moi. Non, je trouve qu'il s'en sort bien. Aïe. Ah, merci. Un ingé son à Nagla, c'est Donald Renew, hein, je suis désolé. C'est pas Jonathan Groff, mais il s'en sort bien, Donald Renew. Pour quelqu'un qui, à l'époque, on lui a pas dit tiens, tu seras embauché pour faire un rôle chanté. Il s'est ah, bah après, merdé. C'est pas sa faute, hein, attention. Mais pour moi, ils auraient dû le Donald Renier. J'enchaîne, hein. J'enchaîne directement, excusez-moi. Donc c'est dommage parce qu'en français, on perd tout le côté pop rock anglais des années 80 pour avoir un côté boys band des années 90. Les Wars Apart ou les To Be Free, je trouve. Ça m'a un peu choqué quand j'écoutais la chanson. C'est français, hein. Donc on est beaucoup, toi, des opéras rock... ouais. Mozart. Des trucs... Starmania. Let's go. Tu as sauté sur le terme, quand même. Des trucs français... Cindy Cendrillon, Starmania. Des succès de Plamondon, quoi. Cindy Cendrillon. T'as dit vraiment c'est Cindy vrai. En bonne opéra sont rock. En vrai. Un jour. Dans les ports de Manchester. En vrai, les Misérables, la première version est un peu rock, hein, donc. Ça, je peux que te le confirmer. Il y a pas de souci. Celle avec Sardou qui fait Enjolras. Sardou qui fait un rôle de gauche. C'est le meilleur truc. Hein, voilà, c'est tout. C'est vraiment le point faible de cette chanson, c'est la VF. Dans les autres chansons, ça choque peut-être pas trop. Là, vraiment, ici, on change totalement de style. Merci. Je suis d'accord. Mais j'ai fait oui de la tête et c'est vrai qu'en podcast, ça s'entend pas. D'ailleurs, j'en profite, c'est Jonathan Groff dans la version anglaise. Je sais pas pour le Donald Ringo dans la version française, mais c'est lui qui fait les 18 voix. Oh, je pense pas. Ah oui, de tous les rênes. Ça fait beaucoup. Je pense pas qu'ils aient dit à. Renew. Alors, tu vas chanter tout seul durant tout le truc, et maintenant tu vas faire toutes les harmonies, s'il te plaît. Mais par contre, on est d'accord qu'il y avait un bail sur le fait que Jonathan Groff, tout le monde était très frustré de pas le voir chanter dans le premier film. Et que du coup, dans le documentaire, ils disent qu'ils lui ont fait un peu une chanson pour lui en mode tiens, on t'a fait ta chanson cette fois parce que t'en as pas eu la première. Parce que le mec est très connu pour la chanson et ce genre de truc, et le fait qu'il chante pas, c'était un peu frustrant. Comme pour les compositeurs eux-mêmes, en fait, l'avaient dit qu'eux-mêmes étaient frustrés de pas l'avoir fait. Et il me semble que t'as quand même une reprise de la chanson de Duran dans le générique. Oui, voilà, mais ça un peu plus loin, Oui, non, mais ça va pas plus loin, mais c'est. Bah, tu vois, ils avaient essayé quoi de caser, mais c'est juste que ça marchait pas dans le premier film. Et la chanson suivante, le comment disent les jeunes déjà, le banger, le bop, la masterclass, le banger. Le vraiment hein. Un petit burger là. Oh mon dieu. Show yourself. Nagla, tu veux un burger? Oh non, je peux pas. J'ai trop envie mais je peux pas. Qui montre le tournant du personnage d'Elsa, assez enfin trouvé, et puis là elle se dévoile, qui est incroyable. Enfin pardon, j'adore cette chanson. Moi mon kink sur la Reine des Neiges 2 depuis le départ, c'est le pardon. Je parle musicalement, que tout le monde reste calme. C'est la comptine dont j'ai parlé tout de suite. Ma chanson préférée de la Reine des Neiges 2, c'est ça. Mais du coup, quand dans Show Yourself, il y a cette espèce de match-up avec la comptine qui arrive à un moment donné, je suis transcendé, je suis parti, c'est formidable. Et tu chiales. Show Yourself, ce qui est exceptionnel, c'est au-delà de l'aspect musical, visuellement, c'est la folie, quoi. Tu sens que là, il y avait un peu, il y avait tout un truc à inventer où ils avaient le droit de faire ce qu'ils voulaient au niveau des lumières, des couleurs, tout ça, de se lâcher. C'est un peu c'est comme des aurores boréales, mais sur Terre, quoi. Enfin, c'est incroyable. La progression narrative, elle est incroyable aussi. La progression musicale narrative est incroyable. Elle se cherche un petit peu, la voix elle est hésitante, tremblotante, tout est calme. De plus en plus, t'as de plus en plus d'instruments, à la fin ça explose. Non mais. Je peux pas dire un truc sérieusement. Mais t'as dit je cherche, excuse-nous, hein, mais. Je sais même pas pourquoi les gens ils se marrent là. Mais j'ai même pas rigolé, il a rigolé tout seul, j'ai juste fait ça. J'ai juste fait, je l'ai, c'est tout. Je l'ai pas fait exprès. À lui d'être un peu stoïque, d'avoir un peu de. Elle saurait s'il l'avait fait exprès, je l'aurais dit, j'aurais insisté. T'imagines si je riais comme ça à chaque fois que Nagla fait une blague dans Andy Bourdieu? Mais j'ai fait un podcast comme ça une fois avec vous. Oh, il est en train de dire que t'es drôle, Nagla. Ah merde. Ah, j'ai pas dit ça. Je l'ai fait, justement. Je l'ai fait une fois, j'ai ri à toutes les blagues de Nagla une fois. On m'a dit, tu rigoles de trop, il y a trop de blagues dans ce podcast. N'empêche, c'était un bon podcast. Voilà, je racontais quoi? Oui, une progression narrative. Au début, elle est hésitante. Elle se découvre encore. Après, c'est affirmé. Elle revoit sa mère, donc la berceuse. La berceuse qui revient. Elle comprend vraiment son truc. C'est elle qui chante la mélodie de la mère, le ah, ah, ah. C'est elle qui le chante au fur et à mesure. Et puis à la fin, c'est bon. Elle s'est découverte. Et puis elle est heureuse. Et puis elle est prête à sauver sa ville. Et c'est la dernière fois qu'elle chante. C'est la dernière fois qu'elle chante. Et c'est la dernière fois aussi qu'on entend le. Vu que c'est bon. Elle a découvert d'où venait ce bruit. Pourquoi ce bruit était là? Pourquoi ce bruit l'emmenait? Comme un moustique, en fait. C'est comme un moustique. Une fois que tu l'as trouvé, t'es content. Le bruit ne cherchait pas Elsa, et le bruit emmenait Elsa. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu le documentaire. Dans le documentaire, tu apprends que pendant la production, ils ne savaient pas qui chantait, qui serait le « Ah !» limite savais pas qui allait être derrière tout ça. Vachement posé la question. Ouais. Et il me semble que c'est que genre en début d'année, le film est sorti fin 2019. Il me semble que c'est que vers genre janvier 2019 qu'ils se sont dit oh, ça va être sa mère. Mais et c'est même, je sais pas à quel point ça peut être ça en termes de timing, mais je me demande si c'est pas ça qui fait que c'est l'autre chanson qu'ils ont balancée aux Oscars et pas celle-ci. Parce que justement, ils ont tellement galéré à trouver, même sur le. Ils ont galéré avec Show Yourself. Ils, ils expliquaient aussi beaucoup, c'était sur. Je sais pas si tu comptais en parler, Max, mais sur le début de la chanson, ils avaient du mal à faire le début aussi. Parce que ça fonctionnait pas le lancement. Et donc, si je me souviens bien, cette espèce de début de cette chanson qui est finalement assez lent, assez. C'est du piano au début seulement. Qui est compliqué à se lancer. Un peu comme Let It Go en fait. Tu sais, t'as un peu la même progression. Mais là, ça monte vraiment en puissance tout doucement. Ouais. Ça part de très bas et ça monte très lentement. Et en fait, ils l'ont trouvé ça aussi assez tard. Ils se sont rendu compte que ça fonctionnait assez tard. Et donc, tout ça, ça s'est imbriqué. En fait, ils ont vraiment galéré. Le piano sur cette est chanson. Tout seul. Bah, ils ont galéré sur tout le film. Hein. Le film entier, ils ont vraiment eu du mal. Hein. C'est pas faux. Mais du coup, ouais, ce truc de. Je pense que c'est peut-être pour ça que c'est pas cette chanson qu'ils ont envoyée aux Oscars, alors que putain, mais tellement que si. Le piano, tu vois, il est tout seul pendant près d'une minute trente. T'as un peu l'instrument beaucoup, qui hein. arrive, donc à partir d'une minute trente, discrètement sur le refrain. Et. Elle chuchote au début presque. Mmh. Oui. C'est chanter, chuchoter, mais oui. Alors, d'habitude, elle a plutôt tendance à gueuler, là. Après, t'as... C'est bizarre. Ouais, gueularde, là. Après t'as qu'un simple ensemble rock et puis tout l'orchestre qui arrive vers la fin. Enfin, c'est la progression narrative est vraiment bien faite sous point de vue orchestral. Dans le documentaire Disney Plus aussi, t'apprends que c'est à la toute fin qu'ils ont eu l'idée d'intégrer All Is Found à la chanson de mémoire. Ça paraît quand même aussi plutôt logique si tu as comparé par rapport à la reprise du renouveau dans le premier. Qui fait un mélange de la Comme quoi, tout n'est pas forcément calculé en amont, tu vois. C'est à mesure que tu construis ton récit que tu vas trouver. Comme quoi, tout n'est pas forcément logique. Ce qui match parfaitement, quoi. Ça ne paraît tellement banal, mais en fait, c'est pas logique. C'est pas tout à fait toujours logique. En gros, en fait, dans les films d'animation américains, en tout cas, je pense que. Je sais pas comment trop ça marche pour les autres films français ou européens. Mais en fait, le scénario n'est pas tout le temps fini. Enfin, même le scénario, l'idée globale du film n'est pas finie quand tu commences ton film. Et donc, ouais, donc en fait, le scénario, il se fait petit à petit, ce qui fait que des fois, bah, tu vas te retrouver à faire des scènes qui vont plus finir dans le film parce que, ah bah, on a changé le scénario finalement. Finalement, bah, le méchant, ça sera lui au lieu d'être elle. Ah bah, attends, faut qu'on refasse l'acte de fin parce que, au lieu que ça se passe. Sur un bateau, ça va se passer dans la ville, des trucs comme ça. Et donc, ça va être constamment. Enfin, en fait, ils profitent du fait que la 3D, tu peux le refaire facilement. C'est aussi pour ça qu'on passera pas tout de suite, on retournera pas tout de suite à la 2D pour les gros studios, parce que la 3D, bah, tes personnages, ils sont là, les décors, ils sont là. Et certes, tu perds quand même de l'animation, mais c'est pas comme si tu devais repartir de zéro à refaire ton dessin à chaque fois. Donc, tant qu'il reste à ce mode de fonctionnement, et ça marche. Est-ce que ça marche bien pour les scénarios? Je ne sais pas, mais ça marche bien pour eux, pour ça leur film. Ça marche bien sur certains films. Ben, on va rester à la 3D. Au final, ça a bien marché. Je pense que ça marche bien quand ça se passe bien. Et quand ils trouvent la solution, mais quand ils ne la trouvent pas, bah, ouais, le problème, c'est que c'est trop tard. Quoi. Je trouve que pour Frozen 2, on voit quand même un peu qu'il y a eu des... Ça va encore, mais tu sens quand même qu'ils ont galéré. Tu sens qu'ils ont galéré dans le film, parce que le film, il met des scénarios à la fois, il part très vite, et en même temps, il avance, il stagne un peu. Tu sens que. Après, ça reprend un peu la structure du premier. Le premier avait aussi un peu ça, où t'as le premier acte qui a toutes les chansons d'un coup, tout s'enchaîne, et t'as un deuxième acte qui a un peu de mal à repartir après Let It Go. Le premier film non plus n'est pas particulièrement fou. Bah, tu dis par rapport à ça, je. Peut-être me faire l'avocat du diable, mais Encanto c'est pareil. Encanto, le début du film est bien, et puis d'un coup, en fait, toute la fin est vraiment creuse, je trouve, où t'as l'impression qu'ils ont balancé la fin. Il fallait faire une fin, et puis il fallait résoudre le problème Oh, je suis pas d'accord pour Encanto. Je trouve que c'est plus flagrant dans Frozen ou dans Frozen 2. T'as. Hey, mais attends, comment elle est censée trouver des réponses? Ah bah attends, on va lui faire les explications, ça va être avec des statues magiques de glace qui vont l'expliquer tout ce qui s'est passé. Ça fait vraiment, on savait pas comment elle devait trouver la solution, bon bah on va faire c'est pareil, ça. Soit le film, soit j'ai passé vraiment un bon moment dans le film hier soir, je l'ai revu hier soir et c'est passé vite, mais j'ai l'impression que ouais, le moment où elle prend son cheval et puis elle court sur l'île, c'est vachement tôt, j'ai l'impression. Ou alors c'est que j'ai passé un moment et c'est passé très vite pour moi. Non, c'est assez tard dans le film, hein. Ouais. Si tu regardes, c'est juste avant l'acte final, hein. Enfin c'est même le début de l'acte final. Bah là, le tout passage lent, c'est que t'as Olaf qui fait des trucs, t'as Christophe qui fait des trucs, et que tout ça a pas trop de rapport avec le film en vrai. Oui. Je trouve pas le film lent, moi. Mais... Non, mais sans dire, c'est le moment qui est un peu moins. Voilà, sans parler de lent. Non, je l'ai pas trouvé lent non plus, pour être très honnête. Mais si on doit trouver un ventre mou, c'est ce moment-là, quoi. Ils sont un peu dans la forêt boueuse et il se passe des trucs. Et... C'est ça. Après, c'est un peu ça, c'est induit par la mécanique. Enfin, c'est toujours quand t'as des films comme ça avec des mécaniques un peu de répétition, hein, avec des éléments ou des niveaux, tu vois, ça rappelle un peu Raya qui a ce gros défaut là. Ici, tu l'as un petit peu avec le côté bon, bah voilà, là on a l'élément du vent, après il y a l'élément de terre, l'élément d'eau, le feu, et ainsi de suite. Et au bout d'un moment, t'as une petite répétition qui peut s'installer, et effectivement, autant sur la suite ça va, parce que l'eau et la terre, ça se fait un peu dans un second temps, mais le feu et l'air, c'est un petit peu à la suite, et ça casse un peu peut-être le rythme. Et la dernière chanson du film, c'est The Next Right Thing. Et on chiale. Ouais, voilà, on chiale de ouf. Il y a quand même. Je pense que c'est ma préférée du film. Pourquoi la VF est dégueulasse sur ce film, s'il te plaît? Je vous invite. On va reformuler déjà. Pourquoi la traduction est dégueulasse? Oui, c'est la traduction. Eh bien, c'est une traduction d'Uria Bellaggi qui a adapté énormément de choses. Elle est avec nous sur le podcast. Non, mais après, ce qui est relatif aussi, c'est que traduire des chansons, c'est hyper casse-gueule et que c'est pas évident. Mais sinon, je vous invite à écouter le Rien que d'y penser, numéro je sais pas combien, qui parle de Frozen 2, où j'en parle pendant une demi-heure, donc je vais pas le faire là, sinon je vais me faire buter par Alex, Pauline et Nagla. Et il y a Max qui va rigoler. En fait. J'aime la mort. Uria Bellaggi, pour le coup, celle qui a adapté le texte, les dialogues et les chansons, elle avait aussi adapté les dialogues et les chansons de Réponse, Rebelle, La Reine des Neiges, numéro 1, Vaiana, Coco, La Reine des Neiges 2. C'est ça, elle a tout adapté au niveau des dialogues et des chansons pour ces films-là. Encore une fois, c'est hyper compliqué, tu dois trouver le bon rythme, surtout si en plus je pense qu'ils ont des consignes pour essayer de coller le plus possible aux lèvres. Ouais. Donc c'est vraiment l'enfer, quoi. Donc, en France, on est très tatillon sur ça, autant c'est moins le cas dans d'autres pays. Bah, c'est pour ça qu'on a la bande rythmo en France pour avoir la synchro labiale, c'est parce qu'on est vraiment trop tatillon sur ça, alors qu'en Allemagne, par exemple, ils vont être. C'est moins grave si ça colle pas parfaitement. Ils vont privilégier le sens de la traduction, la fidélité de la traduction par rapport à la synchro labiale. Alors que nous, c'est un peu l'inverse. Il y a toujours aussi cette mais histoire. Du coup, quand t'as des chansons, quand t'as des chansons relativement simples, ou tu vois une I Wish Song ou un truc comme ça, ça peut aller, c'est pas très grave. Mais quand t'as des trucs un peu plus fins, comme de toute façon The Next Right Thing, donc la chose à faire en gros, qui devient tout réparer, je veux dire, t'as pas besoin d'épiloguer 10 ans pour expliquer qu'il y a un problème quelque part, qu'en termes de c'est vraiment le verre à moitié vide versus à moitié plein, en fait, c'est un peu ça. Et ça change toute la dynamique de la chanson et tout l'aspect hyper sombre du film, hein. On l'a déjà évoqué tout à l'heure, mais oui, c'est un film très sombre qui, à ce moment-là, c'est le point, j'ai envie de dire, culminant. Et en VF, il passe beaucoup moins, quoi. Enfin, je trouve que ça marche du coup pas trop avec l'image, finalement. Est-ce qu'il y a toujours aussi ce problème de... Voilà, on fait attention au texte en français pour pas choquer les Français? Non, je pense pas. Peut-être, mais je pense pas que ce soit le problème principal, hein, vraiment... Parce qu'au contraire, dans les... Bon, après, c'est vieux. Est-ce que Disney a changé leur manière de faire? Ça, je ne sais pas. Mais dans les années 90, on avait plus des textes plus adultes que la VO. Hein. Tu prends la traduction française de Hellfire, dont j'ai oublié. Ah, j'étais sûr que t'allais dire ça. Infernal. Infernal Bacchanal. Ah, jamais compris pourquoi il parlait des annales du bac, moi, mais... je veux dire, Bacchanal, ça te parle de Lucifer, alors qu'en anglais... déjà en anglais, juste dire elle, tu fais « Oh mon Dieu, c'est scandale !» Mais alors... mais donc, c'est beaucoup plus... La VF est plus adulte que la VO, donc je sais pas si ça serait le cas aussi aujourd'hui, je sais pas. Après, pour parler de cette chanson, au-delà de sa VF, on voit aussi que c'est une chanson qui tient énormément à... qui est une chanson sur la dépression, en fait, c'est vachement expliqué là aussi dans le bonus de La Reine des Neiges 2, le passage est hyper intéressant, hyper émouvant, parce que j'ai oublié le nom de la chanteuse. Kristen Bell. Merci. Kristen Bell, elle est en pleurs quand elle termine de la chanter, parce qu'elle met énormément ses tripes dedans. Et bon, je sais pas à quel point c'est mis en scène tout ça, c'est toujours pareil. Bah, en même temps, quand tu l'entends chanter, c'est déjà difficile de la chanter sans pleurer. Enfin, je veux dire. Ouais. Elle est plutôt balèze, j'aurais plutôt tendance à le croire. Et elle explique qu'elle a pris énormément de sa vision de la dépression sur le fait que, quand tu ramasses dans la gueule comme ça, que tu sais plus quoi faire, et la meilleure façon pour s'en sortir, c'est de faire les choses une chose après l'autre, step by step. Donc, déjà, tu vas commencer step by step. Et puis, tu vas dire, exactement. Et puis, tu vas commencer par peut-être te faire à bouffer, et puis tu vas commencer par peut-être et voir la prochaine bonne chose à faire, essayer d'aller comme ça étape par étape. Et c'est, comme ça. Et c'est hyper intéressant à écouter. Le bonus de la des jeux est trop trop bien. Oui, un burger. Arrête. Bizarrement, c'est le premier exemple que t'as pris, quoi. Parce que j'aimerais bien pouvoir manger. Ouais, ça m'étonne pas trop, du coup. Mais aujourd'hui, j'ai mangé des pâtes avec rien. Des pâtes au beurre ou même pâtes? Non, au sel. Ah merde, le beurre c'est dangereux. Ça glisse. Ça glisse, c'est vrai que ça glisse. Ça peut glisser très vite. On va quand même en parler. C'est quand même l'une des premières fois qu'on a une chanson aussi hard dans un Disney. C'est la première fois qu'on parle de dépression aussi clairement. Et d'ailleurs, moi, une question que je me pose, c'est quel était le choix de faire en sorte que ça soit la dernière chanson du film, parce que ça m'a interpellé là quand je l'ai revu de terminer sur une chanson aussi sombre. Et justement, t'as plus de chansons, même une reprise, justement tu disais que généralement il y a des reprises. Tu vois, la dernière chanson c'est celle-là et qu'il n'y en a pas d'autre après. Je sais pas, je pense qu'après t'as cette volonté du film qui a sans doute ils ont sans doute voulu faire ça un peu du départ à la base, et je pense qu'ils ont voulu retomber là-dessus, c'est-à-dire faire un film d'aventure. Et la partie d'aventure, elle reprend là, et t'as besoin de ça, ce côté un peu épique, et tu peux pas vraiment caser une chanson. En réalité, l'instru s'envole totalement à partir de ce moment-là. T'as toute la scène avec les golems de terre, et puis derrière le sauvetage d'Arendelle et Elsa qui revient, tout ça, sur le plan orchestral, enfin instrumental, c'est incroyable. Il y a pas un problème aussi dans ce film, et le même problème dans le 1, et c'est aussi notre habitude qu'on a par rapport au Disney. On a toujours l'habitude par rapport au Disney à la fin d'entendre une chanson, soit une reprise d'une chanson, soit une nouvelle chanson qui va vraiment conclure le film. Est-ce que là encore. Un petit Something Never Change en reprise, tu vois. Et au final, on les a dans l'instrumental, comme dans le premier, mais ça manque vraiment, je pense. Je pense que Something Never Change là-dessus aurait très bien passé. Là, au final, Vueli, à la fin, c'est... Le problème, c'est que non, tu peux pas dire Something Never Change. Justement, la chanson, elle est invalidée. Tu changes les paroles. Dire, à la fin, tu reprends le rythme. Parce qu'au final, mais du coup, ça change pas. La chanson en elle-même, c'est on pose le décor à Arendelle et on montre que à Arendelle tout se passe bien à ce moment-là. Au final, non, tout ne se passe pas bien, mais on montre qu'à Arendelle tout se passe bien à ce moment-là. Au final, à la fin, tout se passe bien à Arendelle. Tout le monde est heureux parce que tout le monde a réussi à trouver le truc qui le sauve. Et puis tu changes les paroles. Je vais faire une référence que Nagla va comprendre. Dans un des épisodes de My Little Pony, oui. Ça, t'as le personnage principal, Twilight, se met à chanter qu'elle n'était pas prête pour faire ce test. Et à la fin de l'épisode, t'as tout le monde, tous les autres reprennent en cœur avec elle pour dire au final, si tu étais prête à faire ce test, tu l'as réussi, on n'a jamais douté de toi et tout. Exactement. Et ils ont repris exactement le même air, ils ont repris dans l'idée les mêmes paroles, mais au début. Tu changes un petit peu. C'est ça. Et donc. Alors, et même dans les faits, tu peux même expliquer que justement il y a des choses qui changent pas. Elles sont peut-être loin maintenant, mais elles vont se revoir pour faire leur soirée. Ça marcherait pas du tout. Le film a un peu cette fin presque mélancolique, un peu façon Le Retour du Roi, tu vois, où t'as les épilogues. Ok, tel perso où il en est, machine elle est couronnée, machine elle est dans la nature, elles se sont retrouvées et ainsi de suite. Il y a eu la demande en mariage, tout le ça. Chêne. Et c'est un peu nul, tu vois, si tu mets tout au milieu d'une chanson, ça fait des trucs un peu vides. Et c'est quelque chose que je reproche par exemple en je trouve qu'il y a une fin un peu où tu comprends pas trop où ça va en venir. D'ailleurs, la preuve, c'est que tout le monde avait dit, mais du coup, ils ont le pouvoir, mais du coup, ils font comment, tu vois. Enfin, c'était pas très clair. La fin de Encanto, elle est hyper brute pour le coup. Je pense que tu aurais eu le même problème s'ils avaient voulu faire ça sur Frozen 2. Typiquement, parce que t'as plein de personnages et t'as plein de situations qui ont évolué, donc faut un peu les expliquer. Je sais pas, parce que tu prends un film comme Le Roi Lion qui a tout son final très épique, avec une musique, avec une instru et tout, ils te refont, certes, quelques mesures très vite fait, mais ils te reprennent le cycle de la vie pour terminer le film. Ils reprennent les mêmes paroles du Bossu Notre-Dame à la fin du Bossu Notre-Dame, ou la même chose, mais en fait, pour tous les films des années 90, La Petite Sirène, La Belle et la Bête, tout ça, ils te reprennent les mêmes... Ouais, mais t'es sur des films au scénario un peu plus simple. C'était plus sur des fables, des contes. Et finalement, t'as moins besoin qu'on t'explique où sont les personnages. Là, t'es sur un film qui conclut, a priori, deux courts-métrages, deux films, et ainsi de suite. Quoi. Donc, je pense que t'as besoin d'avoir un truc un peu plus complet et descriptif. Et aussi, il y a cette volonté, je pense, de faire quelque chose d'un peu pudique. Tu vois. Je sais pas, soit les comédies musicales ont toujours réussi à bien raconter leur truc, donc s'ils n'arrivaient pas à le faire, c'est que les compositeurs sont nuls. c'est très méchant dit comme ça, mais s'ils n'arrivent pas... Puisque normalement, la règle d'une comédie musicale, c'est si quelque chose est trop fort pour être parlé, tu le chantes et après tu le danses. Vis-à-vis du premier film, on a quand même le retour de Vueli. Donc, on parlait de Frozen Earth, qui est un peu le symbole de tout ce qui est... Arendelle en hiver, et ben là en fait c'est Vueli qui est le symbole des esprits d'Arendelle de toute la région. Bah en fait Vueli c'est le truc Northuldra en fait, donc tu comprends qu'il y a ce côté un peu de ouais des autochtones du coin et de la région en elle-même en fait. Ouais, exactement. Bah si je dis pas de bêtises, Vueli c'est chanté par des chœurs, enfin je sais pas si c'est des chœurs en tout cas à l'origine, oui. mais c'est Samy, ça reprend en tout cas leur culture au moins, donc Le fait de conclure pareil le film par Vueli, quelque chose. Voilà, au final, ce n'est pas que le duo Anna-Elsa qui est résolu, ce n'est pas qu'Arendelle, c'est vraiment toute la région complète, donc tout l'esprit de la région qui est apaisé. Bah c'est ça qui s'unit en fait, ouais, t'as le côté. Les tribus un peu indigènes, on va dire, avec les gens du royaume et ainsi de suite. Quoi. Alors, au final, ça va beaucoup plus loin que les personnages. Pour avoir une belle conclusion, est-ce que Vueli, de manière beaucoup plus longue, avec l'orchestre derrière qui est beaucoup plus fourni aussi, parce que là, il y a un côté un peu frustrant où Vueli monte tout doucement, ça monte, et l'orchestre qui est là derrière, et puis ça claque d'un coup. T'as un gros accord à la fin, c'est bien sec. Et puis, en fait, moi, je me trouvais un peu frustré de pas voir le reste. Mais comme à la fin du 1, où est-ce que t'as l'orchestre qui monte et puis t'as une toute petite note de merde qui permet de conclure le film. Je trouve ça un peu frustrant. Si ça claque pas avec une longue tenue à la fin, je suis frustré. Il y a ça, et on a quelques éléments aussi de la musique instrumentale qui sont repris du premier. Par exemple, la course, la fuite des loups du premier film. Ici, elle est reprise avec la fuite des géants. Et il y a quelques éléments aussi, sur le point de vue de l'histoire, qui sont repris comme ça. Je pense que le même procédé, tout à l'heure, Curien, tu parlais de la version orchestrale qui était beaucoup plus grande à la fin du film. Il y a quelques éléments orchestraux de cette fin du deuxième qui sont tirés du premier. Oui, tout à fait. Sans compter, je crois, une toute petite référence à Je voudrais un bonhomme de neige au tout début du film, lorsque tu as les deux sœurs qui jouent ensemble en étant bébé. On entend une référence à Je voudrais un bonhomme de neige et puis la référence à Let It Go, où le personnage d'Elsa se cache quand les yeux. Quand elle est à toi, Alan. Se cache les yeux pour ne pas. Elle est embarrassée, ouais. Je la comprends. Et voilà. Vis-à-vis des musiques instrumentales, c'était ce que je pouvais dire. Et ailleurs. Donc ailleurs, en film, en tout cas en vidéo, on a eu Myth, A Frozen Tale, qui était un court-métrage en VR qui sert de prologue au film La Reine des Neiges 2, et donc qui est sorti en 2020. Hein, c'est logique, ça sort en 2020, La Reine des Neiges 2 sort en 2019, tout va bien, ça a duré 8 minutes. Je ne l'ai pas vu. Est-ce que ça je crois qu'il était sorti avant dans des festivals. Val. Dans des festivals. C'est bien tenté. C'est des festivals avec des veaux. Ça va, pourcher. Bref, c'était sorti avant. Après, on a eu At Home with Olaf en 2020, pendant justement la pandémie de Covid-19. Des courts-métrages à la noix où il faisait rien. En fait, le principe, c'est que c'était un animateur qui C'était un animateur qui animait chez lui un truc. Point. Voilà, c'était ça. Chaque épisode. Donc c'était des mini gags visuels. C'était dispo sur YouTube et Disney+. Et ils étaient contents parce qu'ils avaient réussi à faire enregistrer Josh Gad chez lui pour faire des petites onomatopées, des petits trucs. Et justement, en parlant d'Olaf, on a Olaf Presents en 2021, où Olaf présentait des classiques d'animation Disney. Ce qui ressemblait à une très bonne idée si c'était pas juste. Ou alors si c'était 3 minutes sur YouTube, mais avec plein de contenu. Là, les 5 trucs qu'ils ont surteasés, c'est ridicule. Mais en fait, ils auraient dû faire beaucoup plus. Bah, il y a 61 films. Il y a 61 putains d'animés, de films. Dont deux qui sont du machin. Donc il y a 59 films maintenant à faire. Ils en ont encore 54 à faire. Alors, mais ils en auraient fait 20, j'aurais compris. Tu vois. Ils en 2, ont fait combien 5, 6. La petite sirène, Moana, le roi lion, Aladdin et réponse. Et ils ont pas fait Coquin de printemps, franchement il y a de l'abus. Non mais après, ils ont pas fait Mélodie du Sud. Oui là, mais là par contre. C'est une constante avec les séries Disney Plus de toute façon, ça pour le coup. Les séries Disney de Disney Plus. Enfin les séries. Séries d'animation. D'animation Disney Pixar aussi, hein. Sur Disney Plus. Oui. À part comment ça s'appelle? À part bah, oui. C'est mon université. Doug, Bah, c'est pas Pixar. Stratwork. C'est pas Pixar. Ah, c'est pas donc, Pixar. C'est pas très bien. Sinon, il y avait le truc de Doug, il y avait le truc avec. Ça tombe bien, ça dure 8 minutes. Ouais, mais après, c'est hyper redondant en fait, et tu te rends compte que bah, pas trop. Mais t'avais aussi Fourchette présente, Forky qui présente. Qui vous explique. Ouais. Pas très, très... Après ça, dans les parcs, nous avons bientôt World of Frozen. Et le court-métrage, Olaf ? Celui qui est bien, c'est con. Ah merde, il y en a un qui est bien. C'est lequel, comment il s'appelle déjà? Alors, le nom, attends, je l'ai pas là, mais. Once Upon a Snowman, je l'ai en anglais. Ouais, celui-ci est très bien. Celui-ci est très bien, ça reprend Frozen 1 en fait. Ouais. Les aventures d'Olaf. Les aventures d'Olaf, c'est original. Oh la VF! Bravo le titre! Les aventures d'Olaf! Ah, bravo! Bah, là, en même temps, tu voulais qu'il fasse quoi avec. Mais je sais pas moi. Il était un Olaf. Il n'y a pas eu de Stars, il n'y a pas eu de Sparkle. Ça veut pas dire grand chose. Il n'y a pas eu de mots magiques de chez Disney, tu vois. Il y a eu par contre Aventure. Mais par contre, il est très bien ce court-métrage-là. En fait, tu reprends un peu. Tu retournes dans Frozen 1, ça se passe pendant Frozen 1. Tu vois Frozen 1. Et c'est du moment où il vit jusqu'au moment où il trouve Anna et Kristoff, en fait, plus ou moins. Et donc, il y a des scènes assez touchantes et tout. C'est vraiment cool et la musique est bien. Ça fait partie des très bons moments où tu vois Olaf. Il n'y en a pas tant que ça. Donc, ça. Vraiment, je recommande celui-ci. J'ai jamais vu Frozen 1. Non, donc, il est vraiment bien. Moi non plus. C'est un court métrage, une petite dizaine de minutes, un truc comme ça, peut-être même un peu moins, et c'est vraiment cool. Oui, t'as l'air. Ouais, c'est 13 minutes, donc il dure 8 minutes. Puisqu'il y a. Voilà. 13 minutes, donc 8 minutes, et la logique de carton. Dans les parcs, nous aurons bientôt World of Frozen avec Wandering Oaken Sliding Slash. Voilà, un truc. Qui ouvre en deuxième partie d'année à Hong Kong. En 2023 à Hong Kong Disneyland et en 2024 peut-être à Tokyo Disney Sea. Mais a priori tout ça ce sera plutôt sur le premier film. Sur Oaken, c'est le coaster. il est pas à Tokyo. Oui, tout à fait. Donc l'attraction sur Oaken, c'est le mini coaster et l'autre c'est donc le Dark Ride qui devrait être plus ou moins le même qu'à Paris, si ce n'est exactement le même. À Tokyo, ça devrait être un peu différent et il me semble que, à confirmer, il me semble que tu auras un peu plus de références à Frozen 2 Tokyo dans... à Tokyo que à Paris et Hong Kong. À confirmer toutefois. Toujours plein de trucs. Au niveau des spectacles, on a Follow Your Dreams à Hong Kong Disneyland, où on a justement la chanson Into the Unknown. Et on a Believe Sea of Dreams à Tokyo Disney Sea avec entre autres Into the Unknown, Know Who You Are et Show Yourself, mais tout est en japonais, donc t'inquiète pas, t'aurais pas compris. J'ai pas reconnu la musique, dis donc. Follow Your Dreams, c'est un espèce de show devant le château, mais deux jours, si j'ai bien compris. Mon souvenir, c'est ça exactement, avec plein de trucs, et entre autres, il y a un petit peu de ça. Il est pas dans Momentous. Bah, a priori, non. Et il est aussi arrivé dans. Ça, tu dois pas l'avoir vu parce que c'est récent. T'as Show Yourself qui est arrivé dans Fantasmic, la nouvelle version en Floride. Et puis il y a aussi une saison parade, spectacle à Disneyland Paris. Oui. Durant deux mois. Ouais, deux mois et demi. Qui devait continuer pendant environ cinq mois. Où il y avait. Ça devait durer quatre mois, ouais. Un peu plus de quatre mois. Et c'était une parade avec un char. des danseurs qui de les éléments de, les éléments de élémentaires pardon les élémentaires se un très beau genre et des danseurs et très moches c'était enfin, court les costumes surtout la musique était bof et tant mieux le mix était dégueu j'avoue qu'on a quand même fait mieux comme mix musicaux à Disneyland Paris puis surtout il était vraiment très court c'était beau c'était minuscule bah, il va rien on dirait celui d'It's Time to Shine quoi. C'est une catastrophe ça passait une minute devant toi le show durait Nagla combien de temps durait le show alors, une dizaine de minutes moi, un truc comme ça hein. Moi j'avais compté c'était la boucle musicale en fait alors je l'ai plus en tête je crois qu'elle était de 2 minutes 15 ou quelque chose comme ça j'avais vraiment chronométré à l'époque en fait et vraiment la boucle musicale bouclait hyper vite et du coup le temps que le show arrive le temps que le truc se fasse. Donc pendant que t'étais sur Central Plaza et que le truc se faisait, là tu avais plus cette boucle. Et quand il repartait, si tu attendais un peu, t'avais le temps de l'entendre, je crois, 4 fois la boucle. Ce qui est suffisant pour rendre fou n'importe qui, normalement. Je me demande si c'était pas même plus, hein, mais ouais. De mémoire, hein, j'essaie de... j'aimais bien ce qu'ils avaient fait sur All Is Found. Ils avaient fait une version un petit peu Avec la guitare électrique. Bougeante. Ouais. Oh, tout le reste était dégueu, par autant, contre. Autant, hein. Cette idée-là, je la trouvais cool. Autant le reste, c'était un peu plus compliqué. Ouais. Ça a été réutilisé à Nouvel An dans le show, le show qui reprenait un peu l'Étincelante Valse des princesses, mais avec du Frozen en plus. Il y avait le mix qui était de retour avec Anna et Elsa dans leur pour la première fois en costume de Frozen 2. Et je crois aussi qu'on a pu revoir le char pendant la Princess Week en août. Oui, oui, oui c'est pas possible, c'est vrai. Et alors c'est con parce qu'effectivement le char était trop cool. Enfin tout le monde était chaud pour un truc Frozen 2 et au final c'était assez décevant quand même. C'était mauvais, hein, c'était très mauvais. Et, et c'est dommage parce qu'on était tous un peu hypés sur ce truc-là. Même quand tu regardais un peu, on va pas rentrer dans le détail de ça, mais quand tu regardais les mecs qui prenaient les drapeaux, tu te rendais compte qu'en fait ils faisaient pas grand-chose. Enfin ils allaient d'une scène à l'autre, ils bougeaient vaguement les drapeaux, etc. Puis, ça manquait. Je sais pas, t'as l'impression que ça avait été fait un peu à la va-vite pour coller le film, peut-être. Je sais pas. C'était aussi très mal pensé au niveau visibilité parce que tu pouvais pas être au milieu de Central Plaza. Du coup tu devais être autour, mais du coup soit t'as les scènes et du coup tu vois pas ce qui se passe au milieu, soit tu l'inverse. Donc c'est très compliqué quoi. C'était vraiment un plantage complet. Hein, ouais. Hélas, raté. Plein de bonnes inventions. Après, on a quand même aussi retrouvé le Frozen 2 dans Magic Happens. Oui, c'est ce que j'allais dire. Le char de Magic Happens, en fait, je pense qu'il y a dû voir un petit peu de copie, de design. À strictement la même forme que celui qui a été fait en France. Je pense que le char est plus petit parce que les chars Magic Happens paraissent beaucoup plus petits tous. Il y a deux chars à Magic Happens, je crois, non ? Non, il n'y en a qu'un. Non. Il n'est pas coupé en deux. Il n'y en a qu'un seul. Non, mais il a un style différent parce qu'il y a Anna devant avec des feuilles d'automne. C'est de la pierre. Et surtout, c'est surtout le Sven. Le Sven, nous, on avait un magnifique Sven un peu marionnette. Alors qu'eux, ils avaient un Sven en statue. Il me semble même pas qu'il était animé. Pour moi, c'était juste une statue. Et il était moche. Mais il était moche. Désolé. Il faut que je regarde les photos. C'est... Nous en France, notre Sven était magnifique. Et eux, leur Sven était catastrophique. C'était vraiment... En plus, ils faisaient une tête d'un peu... Un peu défoncé. Il était énorme. Oui, ça, il était énorme et assis. Il était debout, tout discret. Il bougeait pas. Mm. Puis il était très sombre. Mais voilà. Et nous, notre truc. Je pensais que c'était très tourné autour de la pierre. En fait, non, il y a beaucoup de glace. Mais par contre, il y avait des grands arbres qui étaient imposants sur le char. Que nous, on n'a pas, par exemple. De Floride. En Californie. Californie. Ouais. C'est Californie. Mais après, justement, je trouvais que les arbres... Après, je suis pas allée sur place, donc c'est dur à voir sur place. Mais en vidéo, ça donnait l'impression que les arbres, ils cachaient un peu... Quand tu regardes les différents... Enfin, tu tapes le Magic Happens Frozen 2 sur Google Images, tout. Je pense qu'après, c'est une histoire de direction artistique, puisque c'est dans une parade, et, okay, qui a un côté très coloré, très éclectique. En fait, oui. Magic Happens, c'est beaucoup de petits chars, de la musique qui va un peu dans tous les sens, qui est très punchy, là où nous, c'était plus centré sur Frozen 2, donc... Je pense qu'il y avait une volonté de vouloir rendre le char plus imposant que ce qu'il n'était vraiment, peut-être en dégageant l'avant et en mettant Anna dans la barque. Je ne crois pas qu'elle était dans la barque. Si, elle est dans la barque, dans les deux. Ok, ça fait autant pour moi. Et voilà ce qu'on avait pour avoir Frozen 2 dans les parcs. Ce qui est assez surprenant, qui n'ait pas été plus développé que ça au final. Bah, après, en fait, je pense que ce qui n'aide pas, c'est que ça a été pendant le... Le film est sorti fin 2019, le Covid est sorti. Est sorti oui. Le Covid a été annoncé 3 mois après. Vous pensez que le show de Disneyland Paris serait revenu tous les ans, peut-être un peu amélioré peut-être. À chaque fois si ou la saison. J'aurais peut-être raté un show la qui la aurait saison même, je pense, aurait évolué. Je sais pas, parce que. Il y a peut-être d'autres happenings dans Disneyland Paris pour pouvoir. Je pense que c'est trop difficile à dire parce que t'as eu tellement de choses qui ont changé, les équipes sont plus dirigées par les mêmes personnes, je pense que les optiques aujourd'hui sont très différentes, donc... Et techniquement, c'était pas une saison d'ailleurs de mémoire, c'était vendu comme un festival. Ils appelaient une célébration. Une célébration. Et donc, du parce coup, que ça avait lieu en même temps que Star Wars et Marvel de l'autre côté, enfin à cheval sur les deux. Une époque où on avait beaucoup de saisons. Oh, alors oui. Que maintenant, bah, y a plus de saisons, bonne dame. Ouais, bah ça c'est le réchauffement climatique. Hein. Ah bah ça. De toute façon, c'est plus comment. Si au moins on écoutait Greta, hein. Bon. Ouais. Mais y a pas normalement une question. J'ouvre la boîte, je ferme la boîte. Pas encore, c'est à la. On fait quand ça d'ailleurs. Bah merde, on l'a oublié. Ça va heureusement. Le conducteur, il est bien fait. Ça vaut bien le coup de demander au patron. Alors. Alors qui ouvre la boîte et qui la ferme? Max il la ferme. Max il fait la ferme. Non, j'ouvre la boîte carrément. Il y a beaucoup de musique de la Reine des Neiges 2 que j'ai toujours sur mon téléphone. Non, j'ouvre. C'est pareil. Les chansons sont bien mieux que dans le premier. Et elles ont toutes leurs petites touches en plus. C'est ça qui est génial. Je suis assez d'accord qu'elles sont meilleures. Même s'il manque un équivalent de la chanson des trolls quand même dans le 2. Parce que la chanson non, il manque pas d'équivalent de la chanson des trolls. Ils ont fait une très bonne. C'est là que c'est hyper contradictoire. C'est la raison pour laquelle je préfère les chansons du 2 au 1. C'est là que c'est hyper contradictoire trolls. Entre les deux films. C'est que la chanson des trolls conclut le film. Et enfin, c'est la dernière chanson du premier. Elle est hyper dynamique. Elle tourne à plein la gueule. Et dans le deuxième, c'est un peu plus compliqué. Tu chiales. Donc après, dans Frozen, t'as aussi les chansons du court métrage de l'hiver qui est très très très bien. Enfin, ouais. T'as celle d'Olaf qu'on peut passer, tu vois, mais t'as les deux autres qui sont super Ring of the Season et celle où est-ce que Anna elle chante et puis elle fait When We're Together. Celle où Anna prépare un sort d'Elsa et puis elle fait Elsa, tu as chopé un coup de froid? Non, car pour moi, le froid c'est le prix de la liberté. L'autre. Non, l'autre. Ce court-métrage-là, moins bien. Ouais. Mais le deuxième est très bien. Et après, au niveau de nos Patreons, ben, au final, il y a quand même 67% de nos Patreons qui ouvrent la boîte, et 33% qui la ferment. Et c'est bizarre que ce soit aussi mitigé, en fait. Et, c'est 33% des personnes qui n'apprécient pas trop la musique de la Reine des Neiges 2, c'est surprenant. Je trouve que c'est beaucoup. Est-ce que c'est vraiment la Reine des Neiges 2 en elle-même, enfin, est-ce que c'est la musique de la Reine des Neiges 2 qui n'aime pas? Est-ce que c'est en comparaison avec le premier film? Est-ce que c'est par rapport à d'autres Disney? Est-ce que c'est juste parce que. On a un 100% de. Un 100% de j'aime. On a Mélanie qui nous a donc fait ce petit commentaire. Je trouve les musiques moins mémorables et marquantes que celles du premier film que j'adore. C'est peut-être pour ça, en gros, qu'il y a 33%, parce que c'est moins marquant que dans le premier. Mais elles sont quand même superbes, c'est surtout chez yourself. C'est vrai que Go ou Le Bonhomme de Neige, c'est des chansons. Même Le Renouveau, non, c'est vrai, je peux comprendre. Ils sont restés largement dans l'inconscient collectif. En fait, c'est surtout aussi le premier film qui est resté plus dans l'inconscient collectif que le deuxième. Et au final, si on vient à retenir, c'est vrai que tu dis, si on vient à retenir les chansons du premier, toutes nous ont marqué. Là, il y a que Show Yourself, je pense, qui a vraiment marqué les gens. Into the Unknown, à la limite. Oh non, je suis pas d'accord. Alors déjà, je pense que Into the Unknown a plus marqué les gens que Show Yourself, quoi qu'on dise, même si indéniablement Show Yourself est plus intéressante. Je pense que comme All is Found. Non, t'es tout seul, non, je pense. Hein. Ok, cool. Non, c'est vraiment Into the Unknown et derrière Show Yourself, je pense. Il y a pas débat. Et ouais, non, mais derrière, en fait, je pense que la différence, c'est aussi que sur le premier Frozen, t'as beaucoup de chansons énergiques au début et qui donnent la pêche, alors que les chansons de Frozen sont un peu Frozen 2, pardon, sont un peu plus dans l'histoire et dans la narration. Une différence et dans et le style donc, aussi, la comédie musicale est beaucoup moins pop. Moins. Ça change. Hein. Ouais. Elles sont un peu plus travaillées que les premières. Sont peut-être plus ouais. moins faciles à écouter entre guillemets. Ouais, je sais pas si ça veut dire grand chose, mais. Bah, tu vois, tout bêtement, The Next Right Thing, elle est exceptionnelle maintenant. Je vais pas la mettre en boîte de nuit dessus. Hein. Elle est pas sur les playlists Lofi. Hein. C'est ça, hein. C'est pas le moment où t'as envie d'être pumped up, quoi. Tu mets ça, quoi. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode de la Disney's Music Box. Merci ouais, Max d'avoir décortiqué les musiques. Un travail. Musique oui, je vois, tu as fait un gros travail il y a quelques années. Source. je vous conseille, je connais le gars. Merci à Jutiman, à Glaglaçon et Hypercurien pour leur présence. Oh, ils parlent en même temps, merci moi, c'est magnifique. Comme d'hab. Merci à vous. Merci de l'invitation. Bientôt pour Frozen 3. On espère. La Disney's Music Box est un live et la bête avec rien que d'y penser. Bravo, bravo, bravo. Merci ouais. Flan. Bravo, bravo, bravo. Ouais. Secret Disney. Ouais. Et ouais. Musicland. Bien sûr, nous sommes toujours présents sur Twitter, Facebook, Instagram, Discord et vous pouvez même nous soutenir. Ainsi que les autres contenus de Rien que d'y penser, Flan, Musicland, Secret Disney, La Belle et l'Apéro. Sur Patreon et sur Utip, et il y a aussi un wiki qui ne doit pas être très à jour, je sais pas. Je l'ai pas fait. Et bien sûr, restez restez pour la reprise finale. À très vite, salut tout le monde. Bye bye bye. Bye. Salut. Par milliers, les rêves les plus fous. Mais pourquoi te cacher? Je te cherche, pour toi j'irai partout. Je te cherche, montre-toi, toi qui hante mes jours et mes nuits depuis longtemps. Je te cherche, j'ai besoin de toi. Ah, je suis pleine de certitude, je comprendrai bientôt. Et dans cette solitude, je suis prête à faire le grand saut. J'étais sur une autre planète, étrangère même chez moi. Mais aujourd'hui, je change de vie, je sais enfin pourquoi. Je te cherche, j'ai fini de trembler. Me voilà, je veux savoir. Tu es la réponse que j'attendais, que j'espérais. Oh, je te cherche, je vais enfin te voir. Viens jusqu'à moi, ouvre ta porte. Je serai fort, oh, viens jusqu'à moi. Ouvre ta porte, tends-moi les bras. Je serai fort. Une maman rêve tout éveillé. Dors mon enfant, n'aie plus peur, rien ne meurt. Je te cherche, la promesse est si belle. Je te cherche, moi l'oiseau sans aile. C'est la réponse que tu attendais, que j'espérais. Je te cherche, c'est toi. Non.